toujours en guerre, c'est la guérilla. Munitions de base, tu sais où tu titules dans ce combat, si tu wins. L'hypocratie, assez joué, gilet et arme en main. Le rôle du condamné du jour au lendemain. Garde tes deux épaules, la relève doit se faire. Je les en charge, donc je défends l'honneur de mes pères. Un combat perpétuel rétrospectivement occupé. Perdre, pas question de t'en préoccuper. Victime de leur tir, oppression pour le pire. Tout rouillé est un art. Ouais, laisse-moi rire. Le hip-hop demeure le graffiti, le DJ, le fashion, le fitness. Le hip-hop, c'est celui qui te le prescrit. La culture grandit devant leur caractère éthique. Son jugement de l'art et de ses caractéristiques. Ils n'ont pas ricadé pour ses influences. Ils l'ont accusé d'être la clé de la violence. Prisonnier d'une sentence qui les provoque sens. Je deviens l'avocat sur la barre de la défense. Tu crois que la musique urbaine demeure vulgaire, mais le terrain que va nous quitter n'est pas y approche pour en juger. Tu crois que je m'éloigne de ce que sent mon âme, malgré qu'on se dit tout ce que j'ai à faire de mal juger. Tu crois que je laisserai mes armes au risque de perdre, mais je combattrai pour la culture de tous ces préjugés. Tu crois que c'est uniquement la rue qui en respire, mais c'est la planète qui s'en espère, donc laisse-moi te corriger. Tu crois toujours en guerre, je pars pour une nouvelle mission. Stylo et papier me concèdent mes convictions. À la conquête de nouvelles pensées, il faut charger les armes et être prêt à tirer. Que son image soit uniquement d'être négligé sans raison. C'est la vérité choque et les gens ne l'acceptent pas pour ceux qui disent notre âme est toc. Je suis dans la guerre des mots, dans la guerre de l'âme et toutes ces idées. Toujours en porte à te repousser, c'est la quantité mais la qualité. Arme fatale, ressentiser tous les hésitants de leur faculté. Jamais assis dans cette attitude ne symbolise pas mon identité. Sueur et ouvrage, un facteur présent pour la réussite. Sois pertinent, tes textes et démontre l'intérêt qu'ils suscitent. L'image que tu véhicules, ne va pas les coups du MC. Fais gaffe par ici, la double face estime d'hypocrisie. J'ai su utiliser la mélodie de la cité pour en faire quelque chose de bien, prendre le mal et le citer. Inciter l'être humain à faire ses plus loin de son dîner. À la convoite, c'est une vision plus large, sans cliché. Aux personnes qui disent, je vous invite à vous joindre. Engagement très strict, je ne peux pas me restreindre. Prisonnier d'une sentence qui n'éprouve aucun sens. Je demeure l'avocat sur la barre de la défense. Tu crois que la musique urbaine demeure vulgaire, mais le terrain va nous quitter, n'est pas y approche pour en juger. Tu crois que je m'éloigne de ce que sent mon âme, malgré qu'on se dit tout ce que j'ai à faire de mal juger. Tu crois que je laisserai mes armes au risque de perdre, mais je combattrai pour la culture de tous ces préjugés. Tu crois que c'est uniquement la rue qui en respire, mais c'est la planète qui s'en espère, donc laisse-moi te corriger. Tu crois que la musique urbaine demeure vulgaire, mais le terrain va nous quitter, n'est pas y approche pour en juger. Tu crois que je m'éloigne de ce que sent mon âme, malgré qu'on se dit tout ce que j'ai à faire de mal juger. Tu crois que je laisserai mes armes au risque de perdre, mais je combattrai pour la culture de tous ces préjugés. Tu crois que c'est uniquement la rue qui en respire, mais c'est la planète qui s'en espère, donc laisse-moi te corriger.